biome, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Et oui, mesdames et messieurs, il est temps d'une autre nouvelle, une autre émission, en fait, pour vous parler, entre autres, nouvelles et autres sujets geeks et ludiques. Mon nom est Mickaël Michaud, votre animateur, toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeux. Et je suis accompagné cette semaine de monsieur Andrew Castegan, comme à son habitude, à la console. Comment ça va, Andrew? Fidèle au poste. Et là, encore une fois, une grosse émission cette semaine. On va parler jeux de plateau et jeux de société avec Fräulein Evil, alias Chantal Campagna de Distribution Dude. Je vais me permettre de juste de dire une chose. Oui. Au lieu qu'on dise à chaque fois une grosse émission, c'est plus des grosses, c'est normal, elles sont toujours grosses. Elles sont toujours chargées. Maintenant, c'est une émission régulière. Voilà. Ben, bref, prenez. Si on fait de l'over, là, ça sera une grosse émission. Prenez pour acquis qu'il y a toujours plein de contenu à puissance maximale. Donc, comme je disais, Chantal va nous parler tantôt de jeux de plateau. Elle va nous parler, entre autres, de prix qui ont été remis récemment, ainsi que de plein de nouveautés sur les tablettes québécoises. On va également parler avec M. Castegan. On va faire principalement des nouvelles ludiques cette semaine, entre autres deux grosses sorties cette semaine, Dark Souls 2 et Titanfall. J'appelle plus ça le jeu violeur d'ego et Titanfall. Et Titanfall. Puis là, en plus, on a quelqu'un là en studio pour nous jaser comme étrange, ça. Un étrange. Un intrus. Monsieur Mathieu Galarno. Comment ça va, Mathieu? Bonjour, Monsieur Michaud. Ça va très bien. Excellent. Et vous? Ben oui, certainement. Mathieu, qui est directeur de l'information au Peuple de Lévis et un ami personnel là, qui passe comme ça à l'émission à l'occasion. Et toujours un fan de jeu. Et en plus, c'est ça. Il commentera la nouvelle avec nous. Puis en plus, c'est ça qu'il me disait tantôt, Andrew. Il est retombé dans le rétro. Là. Il a ressorti sa Super NES, sa Dreamcast. Si je te dis que je vais te convertir un Nintendo ordinaire en toaster, tu me dis quoi? T'es fou? Non, mais un toaster dans lequel on met des cassettes, là, puis il joue. Là, un NES fonctionnel avec une prise HDMI. Mais là. C'est mon projet. C'est merveilleux. J'attends juste les pièces. En HD? Ben, ça va être un HD simulé, là. Ça va être malade, Super Mario. C'est sûr que je veux voir ça. Maintenant, tous les auditeurs de Puissance Maximale savent que je suis en train de faire un plan de con. Oui, ouais. Moi qui n'ai jamais soudé des trucs, je vais apprendre ça et faire ce projet-là. Là. Suggestion comme ça, essaye-toi sur d'autres pièces que son S en premier. Non, mais mon père, c'est un ancien électricien, tu sauras. Il a tout l'équipement, c'est lui. Il va me montrer comment faire ça. OK, t'as de la envie de t'exercer sur un pogne avant. Ben, il va falloir que je démonte un toaster. Je vais voir de quoi pour m'exercer dessus. Ah, c'est bon. Bon, ben, on va pouvoir peut-être poster ça sur le site. J'ai eu des demandes de photos work in progress. Ah, ben là, on va poster ça sur le site. Évidemment, parce que Puissance Maximale, on vous le rappelle, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, où vous allez pouvoir voir les photos du projet de M. Castegan, mais entre autres, écouter nos anciennes émissions, écouter des reportages, des podcasts qu'on a aussi mis. Et là, on vous avait parlé d'une vidéo qu'on a réalisée à Genmin 2014. J'ai reçu ça cette semaine. Ouais, je vais trouver un endroit pour le mettre. On a une émission, ma foi, je l'ai écoutée. Ça va être du grand n'importe quoi, mais quand même très divertissant. Mais vous allez pouvoir. Non, mais c'est une émission avec Lady Gaga. Ah oui. Habillé en girafe. C'est notre ami YouTuber Luduc qui avait décidé de porter un. Moi, j'appelle ça un pyjama, là, mais il y a un nom pour gigurami, ça. Un gigurami, je pense. Un truc, un genre de pyjama à la japonaise. Ça s'appelle quelque chose dans ce genre-là. Avec un capuchon, bref, à l'effigie d'un animal. Lui, c'était une girafe, puis il y avait vraiment une perruque douteuse. Des verres fumés. Et des verres fumés, ce qu'on l'avait, on l'a fait rebaptiser Lady Gaga. Il y a Sabrina des Geeks Contre-Attaque qui est avec nous et Monsieur Philippe Derouville qui était un ami personnel encore, mais surtout chef de la sécurité à Jamie. Et un Luc Biron pas de voix comme toujours. Ouais, il y avait de la misère, pauvre petit Luc. Donc on devrait vous poster ça sur Internet dans au moins les deux prochaines semaines, je pense. On va essayer de se trouver de quoi. Ouais, t'sais, c'est quand même une vidéo de 8 gigs, là. Ouais, c'est tout en haute définition et tout. Puis là, en plus, dans les transitions entre les tunes puis nos interventions. Il y a des explosions, des chatons et plein de choses. C'est un condensé de l'Internet. C'est merveilleux. Non, c'est ça. Tout notre budget a passé là. En fait, ce que vous allez voir, c'est nous, tout simplement. Vous allez voir l'envers du décor de Puissance Maximale. Ce qu'on fait pendant les tunes, donc on glandouille. Vous allez voir ça en même temps. Mais bref, ça s'en vient dans les prochaines semaines. Et M. Castegan, comme à notre habitude, on va commencer en musique avant d'aller rejoindre Chantal au téléphone pour parler jeu. Et cette chanson-là qu'on va aller entendre, c'est nos amis du Nal Band qu'on entend souvent à l'émission. Et ça s'appelle La vie d'aventurier. Vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras à niveau 2? Quand j'aurai mon niveau 2, j'achèterai un duvet pour dormir dans les donjons sans jamais m'enrhumer. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y a des gobelins à saigner. Quand j'aurai mon niveau 3, j'achèterai un carquois. J'y mettrai des flèches magiques du genre qui t'arrache un bras. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y a des squelettes à poutrer. Quand j'aurai mon niveau 4, j'achèterai un cheval. Je sais pas vraiment monter, tant pis ça m'est égal. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y'a des orques à décimer. Quand j'aurai mon niveau 5, j'achèterai des parchemins pour lancer des sortilèges, même si je suis pas magicien. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y'a des momies à cramer. Quand j'aurai mon niveau 6, j'achèterai une armure. C'est moins facile de courir, mais on évite les fractures. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y'a des trolls à bousiller. Quand j'aurai mon niveau 7, j'achèterai un anneau qui donne plus de en charisme et la puissance d'un taureau. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y'a des minotaures à tuer. Quand j'aurai mon niveau 8, j'achèterai une baliste pour assiéger les donjons des nécromants cultistes. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y'a des lichards éventrés. Quand j'aurai mon niveau 9, j'achèterai une vorpale pour arracher aux dragons cette partie génitale. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y'a un dragon pour tester. J'achèterai des pansements pour corriger les erreurs du niveau précédent. C'est surtout ça, la vie d'aventurier. Je rentre chez moi, ma carrière est terminée. Envoyez nos petites games de battleship. C'est-tu normal qu'on se sente coupable? Chaque fois qu'on joue, ça nous fait mal. Mais voyons donc, des hommes de la part. les jeux de plateau. Et oui, de retour à puissance maximale. Et là, je suis en compagnie de Madame Chantal Campagna, alias Frontline Evil, au téléphone pour nous parler jeux. Comment ça va, Chantal? Ça va bien, merci. Vous-même? Ça va très bien. Et là, on va parler de nouveautés, mais avant tout, on va parler de prix qui ont été remis récemment à des justement à des jeux, à des nouveautés de cette année. Ben oui, écoute, au mois de février, c'était le Festival international des jeux de Cannes. Ça se passe à Cannes, en France. Malheureusement, on n'a pas pu y aller, mais on se garde quand même informé de ce qui se passe dans le monde ludique. Et eux autres, ce qu'ils font, en fait, c'est le plus vieux festival de jeux internationaux dans le monde, en fait, là, ils sont relativement avant-gardistes et ils offrent un prix qui s'appelle l'As d'or et ça récompense le jeu de l'année, mais en France. Donc, c'est des versions francophones d'un jeu anglophone que nous, on connaît un petit peu plus. Mais cette année, c'est un jeu français qui a été primé, donc il a gagné l'As d'or 2014. C'est un jeu qui s'appelle Concept. C'est un jeu qui est édité par Asmodée et c'est vraiment très cute. C'est un jeu d'ambiance, c'est un jeu de communication, c'est quelque chose qui va nous rappeler un peu Scattergory si on va dans le très vieux ou si on veut aller dans le petit peu plus original, quelque chose d'aussi délicieux en fait que Objet trouvé de Philippe de Palière qui avait été primé aussi il y a plusieurs années. Donc le principe, c'est qu'on va avoir une équipe. On va jouer en équipe et on essaie de récolter le plus de points possible. Il va y avoir un joueur qui va essayer de faire découvrir un concept et toutes les équipes jouent en même temps. C'est l'équipe qui va avoir le plus de points à la fin qui va gagner. Donc, on va combiner des symboles qui sont sur le plateau de façon à faire deviner les concepts à notre équipe. Donc, par exemple, je pourrais poser mon pion principal sur l'image qui représente les liquides et après poser des pions secondaires sur, par exemple, alimentaire, sur les endroits où il y a des couleurs. Donc, par exemple, je cherche un liquide alimentaire qui est blanc et c'est le premier joueur qui va crier « lait » qui va récolter le point et l'équipe qui est en fait le joueur qui a mis les pions va aussi récolter des points. Donc on va retrouver par exemple si je vous dis liquide alimentaire rouge, vous pensez à quoi? Jus de tomate. Vin. C'est bon, jus de tomate, mais c'est un jeu français, alors on cherchait vin. Mais bon, alors c'est de cette façon-là qu'on va récolter des points. Et les concepts peuvent être un petit peu plus complexes avec 3, 4, 5 ou 6 concepts. Ou parfois, aussi, si on veut vraiment insister sur, par exemple, on recherche une antiquité, on peut mettre plusieurs pions sur vieux. Donc, finalement, on sait qu'on cherche quelque chose qui est très, très vieux. Donc, c'est un jeu pour jaser, mais c'est vraiment très, très bien. Concept de Asmodée qui a récolté cette année l'As d'or 2014. Excellent. Et là, j'ai ça sous la main, là, une petite image que j'ai trouvée du jeu. Je vais mettre ça directement sur la page Facebook de Puissance Maximale. Pendant que tu vas nous parler de l'As d'or Grand Prix. Ben, l'As d'or Grand Prix, en fait, on avait déjà parlé. Je vais juste survoler parce qu'on n'a pas vraiment le temps là, de parler de tous les jeux super en détail. Mais l'As d'or Grand Prix, c'est le jeu qui récompense le jeu expérimenté. En fait, c'est pour les joueurs qui sont plus expérimentés. Parce que le concept, on s'entend que c'est un jeu qui est grand public, qui s'adresse à des groupes, c'est jusqu'à 12 joueurs. Alors, le grand public, ça a récompensé Bruxelles 1893, qui est un jeu d'Étienne Desprenant, qui est édité par Pearl Games. Donc, c'est un jeu de gestion là avec des cubes, comme Pearl Games s'est vraiment spécialisé là-dedans. Donc, on est à Bruxelles en 1893, on a l'explosion architecturale qui de ce temps-là au niveau c'est de l'art moderne qui s'est passé à Bruxelles. C'est un jeu qui est magnifique, qui va être disponible dans 4 à 6 semaines au Québec. Il avait fait un tabac à SN l'année passée, en fait en 2013. Donc, on n'est pas du tout étonné qu'il ait ravi le prix public expérimenté à l'As d'or. Pour ce qui est de l'As d'or, pour les jeux pour enfants, ils ont récompensé Riff Raff, qui est éduqué chez Zoc. Et Zoc, on sait que c'est un une compagnie qui se spécialise, en fait, qui a offert beaucoup de jeux d'équilibre. Donc, Riffraff, c'est l'idée, c'est de faire d'être capable de faire tenir nos 8 pions sur le bateau pirate sans les faire tomber. Donc, le premier joueur qui réussit à le faire va gagner la partie. C'est complètement délirant. C'est un jeu pour enfants, mais en fait, c'est un jeu vraiment aussi pour les grands-enfants comme nous, parce que c'est génial. C'est super drôle. C'est vraiment... Le matériel est superbe. Et là, pendant que tu parles, Chantal, j'arrête pas de mettre sur la page de Puissance Maximale tous les titres dont tu nous parles. Comme ça, les gens pourront avoir un petit côté visuel de ce que tu nous parles. Donc, je viens de mettre Bruxelles 1893 et Riffraff également. Vous pouvez aller sur la page de Puissance Maximale si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Et il y a aussi un prix du jury pour l'As d'or. Oui, le prix du jury, ça, c'est le prix du jury, en fait, c'est tout le temps comme, c'est pour le jeu qui aurait dû gagner, mais qui a pas gagné, mais qu'on a tellement aimé qu'on veut quand même que les gens le regardent. Donc, c'est les bâtisseurs c'est édité chez Bombix, donc ça devrait être disponible sur les tablettes québécoises d'ici quelques temps. En fait, c'est une belle nouveauté. À part ça, ben il y en a plein des nouveautés, hein, parce qu'on parle que c'est tous les arrivages d'Europe qui nous arrivent. En fait, tout ce qui est sorti pour Noël en Europe arrive maintenant ici. Alors, on a eu le vortex polaire qui a retardé beaucoup de commandes, mais finalement, juste à temps pour la relâche et juste à temps pour Pâques, on a plein d'arrivages. Donc, on parle de Munchkin Légende, qui est un jeu familial. Je pense que tout le monde est pas mal... Tout le monde connaît Munchkin. Je pense que tout le monde connaît un peu Munchkin et le principe derrière Munchkin. Donc, avec Munchkin Légende, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va affronter les créatures légendaires. Donc, on va retrouver, entre autres, comme outils, les talons d'Achille. On a le marteau de Thor. On va pouvoir trucider Jacques et la courgette magique. On va affronter le Kraken. Oh yeah. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va aller chercher nos niveau et qu'on va réussir à gagner la partie. Évidemment, comme tous les Munchkins, on peut le mélanger avec les autres, donc on peut se retrouver avec du n'importe quoi. Mais c'est ce qu'on aime de Munchkin, c'est qu'on ne se prend pas la tête et on est même invité à tricher si ça fait de bonne affaire et que personne ne nous prend. Ah, je sais pas, moi ça m'est jamais arrivé, Andrew, à Munchkin, de tricher. Andrew me regarde, non. Ah, mais non, moi, j'ai jamais menti non plus. Ça m'est arrivé une fois de tricher, mais je le savais pas. Ah. oui, en fait, on peut tricher. C'est permis de tricher. Si personne nous prend, mais tant pis pour eux. C'est en plein ça. J'aime le concept. Oui. Mais, Marc, théoriquement, dans tous les jeux, c'est un peu ça, mais bon, ça, c'est... Oui, mais dans Munchkin, c'est dans les règles. C'est ça. On a le droit à ce moment-là. Donc, pour les règles, pour les Munchkin, en fait, comme on dit en anglais, les rule Munchkin, pour ceux qui sont vraiment à cheval sur les règles, on peut leur dire, ouais, mais regarde, c'est dans le livret. Alors, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, Munchkin Legend, c'est disponible présentement dans toutes les bonnes boutiques du Québec, sans aucun problème. Si vous voulez pas vous prendre la tête, vous avez le goût de jouer en famille, si vous avez le goût que ça soit n'importe quoi, allez-y. Garochez-vous. Oh oui, ça, c'est sûr que je vais aller voir ça. Ça m'intéresse beaucoup. Autre jeu, un jeu qui s'appelle Résistance Avalon. The Resistance Avalon. Alors, la Résistance, c'est un jeu de rôle. En fait, c'est un jeu qui s'insère dans le même type de mécanique que Loup-Garou. Donc, on va avoir des bons, on va avoir des méchants. Les méchants se connaissent, les bons ne savent pas ne connaissent pas l'identité ni des bons ni des méchants. Le but du jeu, c'est de réussir 3 missions sur 5. Alors, avec Résistance Avalon, on a transporté le jeu dans l'univers du roi Arthur. Donc, on va avoir les troupes des Chevaliers de la Table Ronde et on va avoir les troupes de Mordred, le super méchant. Donc, on va avoir 5 quêtes à réaliser. Si les Chevaliers réussissent 3 quêtes sur 5, ils ont gagné la partie. Si les troupes de Mordred réussissent à faire échouer 3 quêtes sur 5, ce sont eux qui gagnent. Et il y a un twist, les méchants vont gagner s'ils réussissent à tuer Merlin à la fin de la partie. Donc, c'est une deuxième façon pour eux autres de gagner. Évidemment, comme je disais, les méchants, eux, se connaissent entre eux. Au début de la partie, tout le monde va fermer les yeux et les espions de Mordred vont se reconnaître. Le jeu est compatible avec The Resistance, qui se passe dans un univers un petit peu plus futuriste. On peut mélanger les deux, se retrouver avec quelque chose d'un peu improbable, mais très le fun quand même. La beauté de ce jeu-là, c'est qu'on peut jouer jusqu'à 10 joueurs, mais il n'y a pas d'élimination. Je sais pas comment le loup-garou, on va éliminer les joueurs un à un. Donc, quand on se fait éliminer au début, ça peut être un peu long. Alors que de résistance, personne ne se fait éliminer. Ça va, la mécanique va vraiment s'appuyer sur du bluff. Parce que si on se fait découvrir, si on est un espion ou un méchant de Mordred et qu'on se fait découvrir trop tôt dans la partie, à ce moment-là, on ne sera plus invité à participer aux quêtes. Et ce qui est vraiment génial, c'est évidemment de foutre la merde. Mais c'est ça qui est le fun dans ce genre de jeu-là. Avec la mécanique loup-garou, là. Je préfère toujours plus être un loup-garou ou un espion d'être un bon, mais bon, parfois. Il faut quand même. Parfois, on est des bons, c'est aléatoire, que veux-tu? Ben sinon, tout le monde pensait tout le temps qu'on est méchant, puis il n'y aurait plus de thrill à la game, c'est ça l'affaire. Oui, évidemment. Non, mais dans ce temps-là, on joue à Battlestar Galactica, on est toujours pas mal assuré qu'on va être méchant, qu'on va pouvoir foutre la merde à un moment donné. Ah, pourquoi pas, c'est le fun. Et oui. Autre jeu, Chantal, mais là, dans les notes que tu m'as envoyées, ça m'intrigue. Un jeu qui s'appelle Gloom, un jeu de cartes déprimé. Le jeu de cartes super déprimé. Alors, en fait, Gloom, c'est un jeu de cartes qui est sombre, tout en restant humoristique, un peu à la Tim Burton, si tu veux, ou tu sais, la Adam Family. Donc, on va avoir là, des vampires, puis on va avoir des loups-garous, mais c'est des familles. Et en fait, le but de notre jeu, c'est de réussir à abattre tous les membres de notre famille en premier. C'est comme ça qu'on va pouvoir gagner la partie. En fait, ça va provoquer une fin de partie et on va compter les points. Plus on a accablé les membres de notre famille de calamités, plus on va avoir de points. Par contre, si les autres joueurs ont joué des événements bienveillants sur les membres de notre famille, comme qu'ils ont gagné un prix, ils ont gagné de l'argent, ils sont heureux, à ce moment-là, ça va diminuer le nombre de points de notre famille. Comment on réussit à garder le compte de ça? C'est l'originalité du jeu parce que les cartes sont transparentes. Donc, quand je vais jouer des calamités sur mon membre de la famille, ça va aller sur le membre et quelqu'un peut jouer une carte par-dessus qui ne va pas nécessairement annuler ma calamité. Donc, si moi, je joue un endettement mortel sur mon père de famille, tu peux jouer qu'il a gagné la loto par-dessus sans nécessairement annuler mes dettes. Donc, ça va être vraiment un calcul de points. Et c'est la famille qui va avoir le plus de points à la fin de la partie qui va gagner. Évidemment, ce sont les calamités qui rapportent des points et les événements bienveillants et les affaires, le fun, ne sont pas bonnes. Évidemment, si je réussis à abattre les membres de ma famille, ben c'est encore mieux. Ah, c'est balade. Mais moi, c'est les libérer. C'est sweet release, comme ils disent les Anglais. Ah, c'est donc, bon. Donc, c'est drôle tout en restant sombre. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup ça. J'aime le concept. Ben, si vous êtes un amateur de Tim Burton, Adam's Family, c'est pas mal un incontournable. Ah, c'est bon, ça. Hey, c'est une belle suggestion, ça. Et c'est complètement niaiseux. C'est tellement drôle. Je trouve ça génial. Et finalement, comme dernier jeu, Chantal, tu veux nous parler, ce jeu-là, c'est un truc connu, je pense, si je me rappelle bien, c'est du créateur de Munchkin. C'est Coloc la Totale. Alors, Coloc la Totale, en fait, c'est pas une nouveauté, c'est le format qui est une nouveauté. Okay. Parce que dans la même boîte, on va retrouver le jeu de base, l'extension Fleming-Gite Aigu, plus Block Party. Donc, on va se retrouver vraiment avec toutes les cartes de la collection. Block Party avait jamais été disponible en français avant à maintenant. Okay. Donc, le but du jeu, c'est d'atteindre notre objectif de glandouille. Donc, tous nos nos personnages. On va avoir un personnage en début de partie avec un objectif qui est par rapport à ce personnage-là. Et là, son objectif de paresse ou de glandouille, comme disent les Français, on va les atteindre en jouant dans notre chambre, parce qu'on est tous des colocs dans un appartement. Donc, dans notre chambre, on va jouer des cartes comme, par exemple, de la bière, des champignons magiques, de la pizza, des jeux vidéo. Donc, toutes des choses qui risquent de nous faire, finalement, augmenter notre potentiel de paresse. Par contre, les autres joueurs peuvent nous jouer dans notre chambre des cartes qui vont diminuer nos points de glandouille, comme des parents qui vont confisquer notre bière, comme notre blonde qui va jeter nos jeux vidéo. Donc, c'est vraiment, c'est un jeu qui est très, très léger, qui est très, très drôle. Par contre, ça s'adresse à un public averti de 16 ans et plus parce qu'il y a des cartes de drogue. Ah, ben c'est mieux de le savoir tout de suite, là, comme ça. Hein. Oui. Je ne jouerai pas avec ma filleule de 2 ans. Non. Eh bien, par contre, tu pourras jouer à Carcassonne avec elle. Oui, je vais jouer à plein d'affaires avec elle. Je pense que je vais gagner. J'ai l'impression. Ah, c'est pas. Des enfants, c'est vite, hein? Oh oui. Je pensais que Coloc était le dernier jeu, mais il en reste un petit dernier en liste. Là. Puis en plus, c'est sur un sujet qu'on aime tant, les zombies. Les zombies, le jeu de cartes. Alors, c'est une reprise, en fait, de Zombie, le jeu de plateau qui était sorti à l'an 2000 de Twilight Creation. Je pense que vous le connaissez, le jeu de zombies où on doit se rendre à l'héliport. Alors, la mécanique a été transportée en jeu de cartes. Donc, tous les joueurs vont avoir un deck de cartes et les cartes sont recto verso. On peut les jouer comme une carte, en fait, pour savoir où on se trouve dans la ville, ou on peut s'en servir comme carte d'événement pour être capable de se défendre comme les zombies. Donc, ça peut être une carte de chainsaw, ça peut être une grenade, ça peut être une carte qu'on va jouer sur un autre joueur pour lui nuire. Donc, par exemple, oups, Michael vient de trébucher lorsqu'il se fait une fuite contre les zombies. Il a -2 à son jet de combat, par exemple. Donc, on va avoir un certain nombre de cartes et c'est le joueur qui va passer à travers son deck en premier qui va gagner la partie. Il est réputé être arrivé à l'héliport. Donc, en fait, c'est pour les amateurs du jeu de plateau qui ont un petit peu moins de temps et un petit peu moins de place. C'est un jeu qui se joue plus rapidement, mais ça reste quand même vraiment dans la famille des jeux de zombies. Excellent. Écoute, Chantal, tous les jeux dont tu viens de nous parler, j'ai tout posté ça pour les gens qui s'intéressent sur la page Facebook de Puissance Maximale, si vous voulez voir à quoi ressemblent les jeux dont Chantal vient de nous parler. Merci beaucoup, Chantal, de nous avoir encore appelé pour nous parler de plein de bons jeux. C'est toujours un plaisir. Ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup, Chantal. Au revoir. Au revoir. Et après cette succulente, on va dire ça comme ça, chronique de Chantal, encore des plus intéressantes, je l'ai dit tout plein de fois pendant la chronique, mais je le répète, allez sur la page de Puissance Maximale sur Facebook pour voir tous les jeux dont elle vient de nous parler. C'est d'excellentes suggestions, vous en avez, je vous donne ma parole. Donc, pour tous les goûts. Pour tous les goûts, tout à fait, allez voir ça. Et là, on va aller écouter une chanson, mesdames et messieurs, qui va vous réveiller pas à peu près, du groupe Bring Me The Horizon, et la chanson s'appelle Shadow Moses. Vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, après cette excellente chanson du groupe Bring Me the Horizon, ça s'appelait Shadow Moses. Et là, on s'en va en nouvelle ludique, en fait, pour tout le reste de l'émission, avec Monsieur Andrew Castegan et moi-même. Et là, Monsieur Castegan a décidé que... pour les blocs de nouvelles ludiques, il allait nous amener un nouvel petit aspect là, à cette chronique-là. Et ça va être quoi, Andrew? Ben en fait, c'est qu'on va ouvrir les blocs de nouvelles en vous sortant des petits faits, des anecdotes. Un genre des... de « saviez-vous que ». Saviez-vous que du jeu vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'une personnalité de la compagnie Sega of America. On va parler de l'ancien président, Monsieur Peter Moore. Juste pour vous donner une idée, Monsieur Peter Moore a été président de Sega of America pendant une période de 18 mois. Pour ensuite quitter la compagnie en 2003, donc faites le calcul, pour aller travailler avec Microsoft. Donc, c'est dans le fond ça. C'est un transfuge. Un transfuge. Donc, tout ça pour dire que, dans le fond, lors de sa retraite, dans le fond, de Sega of America, il a fait une entrevue. Et justement, il disait que quand il voyageait entre le Royaume-Uni et Chicago, quand il passait aux douanes, pour dire qu'il passait, les agents douaniers lui demandaient plus son passeport. En fait, ils lui disaient « Monsieur, je n'ai pas besoin de votre passeport. Vous êtes l'enculé qui a laissé partir Shenmue pour Xbox. » Ouch! Pour vrai, les douaniers disaient ça? Ben, en fait, en anglais, c'est « I don't need to see your passport. You're the asshole that gave away Shenmue to Xbox. » Ok, t'es le trou de cul qui a donné Shenmue à Xbox. Ouch! Mais quand même, les douaniers qui te disent ça... C'est une triste, c'est un peu plate d'être connu pour ce fait-là, hein, j'avoue. Ben oui, mais... Mais bon. drôle de façon d'être contrôlé aux douanes, on va dire ça comme ça. Effectivement. Ah, ben c'est bon. Donc, vous aurez ça, mesdames et messieurs, à chaque émission quand on va parler de nouvelles ludiques. On va vous faire un petit bloc comme ça de « Saviez-vous que? » avant de passer aux nouvelles. Mais maintenant que c'est fait, on va passer aux dites nouvelles. Entre autres, deux grosses sorties cette semaine, Andrew. On l'a dit tantôt, « Dark Souls 2 ». Et Titanfall, et là, Titanfall, d'après ce que j'ai pu voir, je dis ça, je me lance comme ça, parce que je viens d'ouvrir la nouvelle, et je prends ça sur BBC News, c'est monsieur Pierre-Luc Pelletier, notre acolyte sécurité informatique, qui m'a envoyé ça tantôt, parce qu'évidemment, on travaille de jour, on n'a pas le temps de te voir toutes les nouvelles sortir, mais il y a eu effectivement des problèmes avec les serveurs de Titanfall. On dit ici que il y a des gens qui étaient pognés à l'écran de départ, finalement, du jeu, pendant un méchant bout, on parle même de plusieurs heures avant que le jeu puisse se lancer même. C'était sur Xbox One. Je sais pas, PC sortait-tu en même temps? Oui. Ouais. Je sais pas si on a les mêmes problèmes sur PC, par contre, j'imagine que oui. Et là, je regarde rapidement, puis là, évidemment, les joueurs ont été remerciés pour leur patience, parce que j'ai vu passer un tweet un peu plus tôt aujourd'hui, puis j'avais vu que, quand même, en fin d'avant-midi, ça avait été réglé. Donc, quelques heures, mais quand même, je le répète... C'est de valeur pour une bêta qui a si bien marché. Ouais, mais en même temps, oui, tout à fait, mais ce que je trouve plate, là, il faut être conscient aussi des limites de la technologie, mais en même temps... Vous avez vu le hype qu'il y avait autour de votre jeu Microsoft. Je peux encore une fois la même chose. On avait dit la même chose à propos de Blizzard pour Diablo 3. Puis à chaque fois qu'il y a un fail, vous voulez faire des jeux basés sur l'online, sur le multiplayer. Arrangez-vous donc pour que vos serveurs tiennent la. Vous le savez qu'il y a un hype pour votre jeu là. Je veux dire Diablo 3, Titanfall, des gros titres, Grand Theft Auto Online. Tout le monde n'attendait que le mode online pour rentrer dans cette expérience là. Et tout le monde a été déçu la première journée parce qu'il y a des problèmes. Je peux même croire qu'il faut s'ajuster, mais il y a un minimum à avoir pour assurer que tes joueurs... Puis là, on rappelle que ces jeux-là, vous les payez à 60$ habituellement. On s'attend à pouvoir jouer. Puis dans des jeux caster, il faut attendre souvent que le jeu s'installe. Des fois, même à la première journée, ça arrive même des fois qu'il y a des patchs qui sortent la première journée. Si vous avez une console, disons, dans le cas de la PlayStation 3, que ça y prend 2 ans et quart avant de se mettre à jour, d'installer les jeux, ça commence à prendre du temps à pouvoir commencer à jouer quand on a le jeu entre les mains, là. Donc, ça serait bien, bien plaisant que les gens puissent y jouer au moins la première journée. Donc, voilà, écoutez... Tu te montais de lait comme ça. Là. Je dis pas que c'est pas super grave. Là. C'est quelques heures seulement, mais quand même, c'est quelques heures où on a des gens. Le pire, c'est qu'il y a clairement des gens pour Titanfall et ce genre de gros titres-là qui prennent congé le jour du lancement oui. pour jouer. Ben, c'est comme Dark Souls aussi. Bon, oui, Dark Souls aussi, ça reste un, c'est un le titre jeu qui... violeur d'ego. Ouais. Troisième du nom. Troisième du nom. Écoute, c'est toujours, en tout cas, c'est, je trouve toujours ça plate pour les gens qui ont pas, surtout la personne qui a décidé qu'il prenait congé aujourd'hui pour jouer puis qui a perdu la demi-journée à attendre que les serveurs marchent. Ça peut être assez frustrant. Mais bon. Passons à une autre nouvelle, M. Castegan. Oui, ben en fait, ça va être deux nouvelles mixées. Oh. Le lendemain de notre émission de la semaine passée, Ubisoft a fait une grosse annonce, la date officielle du jeu Watch Dogs. Oui. En fait, le jeu qui était supposé sortir à la base en octobre dernier, qui avait été repoussé possiblement en mars, après ça avec la mention printemps 2014, a maintenant une date. Il s'agit du 27 mai sur PC, PS4, PS3, Xbox One et Xbox 360. Et pour la version Wii U, quant à elle, on parle d'une date encore indéterminée, mais elle serait toujours au programme. Donc, il va falloir s'armer de patience à ce niveau. Et pour la deuxième nouvelle... Ben, les caractéristiques techniques nécessaires pour jouer à Watch Dogs sur votre ordinateur est maintenant rendu public. Oh, donc, si vous voulez savoir si votre machine le roule, ça va prendre au minimum un processeur quad-core cadencé à 2.66 GHz. Donc, si vous avez un processeur... Je regarde Android en même temps là, pour mon système. Oui, à oui, oui, oui. Mais si vous avez un système Beaker, ben... Oubliez ça. Oubliez ça. Et vous allez avoir besoin de minimum 4 gigs de mémoire. Recommandation 6 gigs. Donc, quand même. Et après ça, on demande une carte graphique. Compatible DirectX 11 avec les technologies Shader 5.0. Il donne pas, par exemple, de marque en particulier. Pour que ça soit compatible DirectX 11, considérez pas mal les cartes de dernière génération. Donc, si vous avez une carte de 5 ans, ben, oubliez ça. Et on parle d'un espace minimal de 25 gigs d'espace disque dur pour héberger la bête sur votre ordinateur. 25 gigs? Exactement. Ouch! OK, c'est quand même assez gros, hein? Oui. C'est dans les très gros jeux que j'ai vus. Aïe, calvasse, 25 gigs. OK, c'est bon. Merci beaucoup, Andrew. Écoute, j'ai une nouvelle, moi aussi, un peu moins réjouissante, et ça parle encore d'une date de sortie, et ça me touche profondément. The Witcher 3? Ouais. J'ai exactement la même nouvelle d'ouvert sur mon ordinateur. C'était la prochaine. Je suis un peu déçu, mesdames et messieurs, parce que... Veux-tu qu'on parle de ça de piano, Mike? Non, juste écoute, pour toi. Juste pour moi, j'aurais envie de dire oui, mais bon, non, c'est pas si triste que... Ben... C'est très triste, en fait. Mets-moi donc du sad piano, Endo. Mesdames et messieurs, nous avons appelé cette semaine que The Witcher 3 Wild Hunt, prévu pour 2014, ne sortira pas avant février 2015. Donc, un an, mesdames et messieurs, encore à attendre. Donc, dans une lettre ouverte adressée aux fans de la franchise, les dirigeants de CD Projekt expliquent qu'après avoir réévalué l'avancée du développement, ils ont jugé bon d'accorder quelques mois supplémentaires à l'équipe pour que le titre puisse atteindre le niveau de qualité souhaité. Donc, pour la première fois dans la saga, le troisième chapitre transportera, je vous rappelle, là, je continue à lire la nouvelle, mais ça va vous rappeler un peu à quel point il va falloir attendre pour un excellent jeu. Donc, Geralt of Rivia, qui sera dans un monde ouvert avec tout ce que ça implique en termes de grandeur et d'immersion. Donc, pas avant février 2015, mesdames et messieurs, je suis triste parce que c'était mon jeu que j'attendais pour 2014. Mais en même temps, quand on nous dit qu'ils font ça pour la qualité du projet, du produit, je suis content. Il y a bien des compagnies qui feraient pas ça. CD Projekt, c'est un bon studio vu les sorties de Witcher avant, mais c'est des gens qu'on aime bien. Je suis triste à cause du... Je pourrais pas jouer à Witcher 3 avant un bon bout, mais au moins, c'est pour des bonnes raisons. C'est parce que les gens veulent améliorer le produit avant de nous le présenter. Donc, voilà, c'était la nouvelle triste du jour. Merci beaucoup, Andrew, pour le piano. Tu peux l'arrêter. Ben non, mais j'ai une autre nouvelle triste. Je vais profiter de la fin de la toune. Vas-y donc. Disney Interactive licencie. Donc, malgré le gros succès du jeu Disney Infinity, que je vois pas se vendre dans les tablettes, mais que ça a de l'air que c'est un gros succès, la branche de jeux vidéo de Disney vient d'être amputée du quart de ses effectifs. Donc, on parle de 700 employés sur les 3000 qui viennent d'être licenciés selon le New York Times. Donc, c'est quand même une nouvelle qui a pris beaucoup de monde par surprise parce qu'en fait, Disney Interactive a réalisé 50 millions de dollars de recettes sur le dernier trimestre fiscal. Donc, c'est pas une branche... c'est pas une branche, dans le fond, un studio qui est... C'est pas déficitaire. Déficitaire. Mais le problème, c'est que la branche jeux vidéo et web de Disney au complet a perdu à elle seule 1,3 milliard de dollars depuis 2008. Ouch! Donc, ça va pas bien. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'il disait? C'est que les licenciements sont comme... pas vraiment une surprise, mais quand même, parce que ça, c'est la résultante de la fusion de deux services, qui est dans le fond la division jeux mobiles qui gagne tout plein actuellement, et la section social game qu'elle est en train de crever, comme bien des compagnies de jeux sociaux. Donc, Disney Interactive, des grosses coupures, des gens qui perdent des emplois. Salutations à ces personnes, on va leur souhaiter qu'ils se retrouvent quelque chose rapidement, bien évidemment. Donc, et on va passer du sad piano, mesdames et messieurs, à encore un peu de piano. Oui, parce qu'on va... je vais faire un fade, là. Non, ça, on va se diriger vers une autre chanson, un peu plus joyeuse cette fois-ci, celle de M. Brent Alfloss. Ah, ben, ça n'a pas fait le fade. Et non, c'est pas grave. Donc, on va s'en aller pour une pause musicale avec M. Brent Alfloss et sa chanson Mushroom Kingdom. On vous envoie ça à puissance maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9 à Lévis. Mushroom Kingdom, you're a scary place. There's a teacup copter with a scary clown face. Oh, poop, it's King Coop. Mushroom Kingdom, you will probably die unless a hero comes to save your populi of fungi. Princess Peach in reach. Mushroom Kingdom, you are growing wild. Who will battle this redhead stepchild and win again? My name is Leo Zelovinsky, I work for Turbine, and you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, après Brent Alfloss et son Mushroom Kingdom. Et là, on va parler d'autres nouvelles ludiques. En fait, je vais vous parler d'une nouvelle, d'un jeu que j'aimais bien, il y a de cela quelques années. En fait, un jeu qui date de, je me rappelle bien, 2004. Un jeu de simulation et de stratégie qui s'appelle Super Power. 2. Donc, tout simplement comme ça. En fait, c'est un jeu de simulation gouvernementale et guerrier, on va appeler ça comme ça, où vous, finalement, vous, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est que vous avez accès aux 193 vrais pays du monde. En fait, c'est un jeu qui s'est basé sur des données réelles de l'armée américaine, de la CIA et de l'ONU. Donc, ça vous permet de prendre le contrôle total d'un pays que vous allez choisir, et vous allez jouer en, vous allez contrôler trois aspects majeurs, donc la politique, l'économie et le militaire. Et donc à l'époque, c'était, si je me rappelle bien, beaucoup avec des tableaux et la map monde, mais là il va y avoir, parce que je vous dis ça comme ça, le jeu était plus disponible jusqu'à récemment, où des gens ont décidé de ramener ça, de faire, en fait c'est la gang de Workshop de Nordic Game qui sort ça, et ça a été on va dire greenlighté, on va dire ça comme ça, par la communauté sur Steam. Et d'ici les prochains mois, on aimerait ça pouvoir sortir quelque chose, l'offrir aux gens. Je vous dis de surveiller ça beaucoup sur Steam parce que c'était très intéressant. Je vous rappelle, comme je l'ai dit, donc politique, économie, militaire. Donc, vous allez pouvoir à partir construire votre influence dans le pays et aussi à travers le monde en faisant des vous avez quelques missions et vous allez pouvoir aussi mettre vos propres objectifs, construire votre propre scénario si on veut. Comme exemple, fusionner l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Genre. En une seule Irlande. Et après ça, aller détruire le Royaume-Uni. Et voilà. Donc, j'ai rien contre le Royaume-Uni, mais c'est... Non, ça serait divertissant dans un jeu. Donc, ou disons que vous êtes, mettons que vous décidez de prendre la Corée du Nord et de partir pour vrai en mode on construit des armes nucléaires, ben à ce moment-là, ça peut être détecté par les autres pays et là, vos relations avec les autres pays vont baisser, il va y avoir des tensions, il va falloir faire de la diplomatie ou tout simplement, si vous êtes assez équipé, ben les envoyer chez puis les attaquer. Mais vous voyez, c'est vraiment, on va jouer de diplomatie, c'est pas juste on débarque chez les autres puis on leur tape sa gueule. Il faut pas s'attendre. En tout cas, à l'époque, je sais pas comment ils vont refaire le jeu. Ils nous disent qu'il va avoir du modeling 3D, du real-time 3D, des environnements 3D en temps réel. Mais bon, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Mais si je me rappelle bien, à l'époque, c'est on envoie nos troupes. Une couple de minutes après, on avait le résultat. C'est vraiment, on est dans la salle stratégique, si on veut, du jeu. On va pas placer des troupes, là. C'est aller là-bas, puis tu reçois un fax du général, on leur a pété à gueule, ou on s'est fait ramasser. Donc, c'est, ou je suis mort. Ou je suis mort, veuillez ramener ma dépouille à ma femme. Mais vous allez pas mal plus jouer au niveau, justement, de l'économie, même utiliser les sanctions économiques, les alliances politiques et les actions militaires, justement, pour amener la prospérité à votre pays. Il va falloir faire attention également à, comment je pourrais, à la popularité de votre gouvernement. Parce que si votre population compte vous, ben là, la légitimité de votre pouvoir va être mise en cause. Donc, si vous êtes amateur de jeux style politique, simulation, mais c'est ça, à un autre niveau, je vous suggère de surveiller ça fortement sur Steam. Je disais Super Power 2 qui va être sur PC. Et là, j'ai même les requirements. Si vu que c'est un vieux jeu, vous avez, il va être compatible avec Windows XP, Millennium 2000, 98, Vista et Windows 7. Donc, puis Windows 8, lui? Non, il n'en parle pas. Ben moi, je pars une campagne de boycott. On parle d'un processeur de 1.2 gigs, c'est tout. Gigahertz. Ouais, c'est ça. Et mémoire de 256 MB de RAM. Sans que, après que j'avais dit des stats, genre, on vous recommande minimum 6 gigs de RAM. Donc, si vous êtes équipé pour jouer à... Watch Dog, vous devriez être correct pour jouer à Super Power 2. Sauf si vous avez Windows 8. Ouais, c'est ça. Donc, surveillez ça, mesdames et messieurs, Super Power 2 sur Steam. Donc, je vais vous mettre ça sur la page Facebook de Puissance Maximale à l'instant. Voilà. Donc, M. Castellan, une autre nouvelle? Oui, ben vous savez que nous, à Puissance Maximale, on est des ben gros fans, dans les deux sens du terme, des jeux... c'est une blague, Mike, une petite plaisanterie. Je sais de quoi qu'il parle. Ben, on n'est pas mec non plus. C'est ça. OK, on n'est pas au niveau des deux snooze, là, mais bon... C'est une petite blague. Ben, je t'ai envoyé une nouvelle, d'ailleurs, Mike. C'est la nouvelle de quoi je vais parler. Oui. En fait, on aime beaucoup les jeux indépendants. Et ici, on parle d'un jeu du nom de Kyln, Siln, en tout cas ça s'écrit C-Y-L-N. Kyln. C'est ça. Qui est en fond un petit jeu indépendant. On parle ici d'un jeu d'aventure qui viendrait jouer un peu dans le trip poétique et psychédélique. Et c'est un jeu là en fait là qui est disponible là, sur Steam au niveau du démo et qui serait en campagne Greenlight pour être approuvé et ainsi publié sur la plateforme Steam. Il y a déjà une vidéo, il y a déjà des images et ça a l'air particulier. Puis moi, il me semble que j'aime ça, les genres de jeux un peu fuckés. Ben, c'est un jeu qui a l'air très très très visuel. Je sais pas, ça, je regarde ça rapidement, ça a l'air d'être un jeu de... Tu sais, de puzzle comme Myst. Ça me rappelle... Ben, en fait, ça me rappelle Myst. C'est ça que j'allais te dire. Hein? Ça a un petit goût de Myst tout près de ça. Mais je sais pas. Hein, je regarde ça rapidement. Expérience hors norme, on nous parle sur le site. Un jeu d'aventure atypique. Donc, non, je sais... Ben, poétique. Ben, il y a une vidéo. Faut pas oublier que souvent, on accole l'étiquette poétique à des jeux, des fois, que moi, ce que j'appelle carrément des jeux artistiques. Ben, c'est ça. Puis, tu plus c'est sur le Greenlight, ben, tu sais, on parle pas d'argent ou quoi que ce soit. On parle juste d'aller sur la page du dit jeu et dire... Je supporte. Et moi, plus que je suis un gars qui supporte le studio, les jeux indépendants, je vais aller très certainement aller mettre mon petit pouce vert sur ce jeu-là parce que justement, je suis curieux de voir c'est quoi. Et je vous invite, chers auditeurs de Puissance Maximale, à aller faire un petit tour sur cette page-là, regarder la vidéo, peut-être essayer le démo du jeu. Et si vous êtes prêts, appuyez le projet. Ça vaut la peine et anyway, ça ne sortira pas d'argent de vos poches. Non, mais c'est ça. Ça va permettre à quelque chose de nouveau de se présenter dans le marché indie. Là, pourquoi pas leur donner un petit coup de pouce, justement. Ben, c'est ça. Et autre nouvelle, M. Castegan, avant de partir en pause musicale pour la deuxième heure de Puissance Maximale. Oui, ben en fait, Tomb Raider. On va reparler de Tomb Raider. Oui. Dans le fond, comme j'avais parlé il y a quelques temps, Tomb Raider s'est payé une Definitive Edition sur Xbox One et PS4. Oui. Édition qui m'avait très fortement plu et impressionné. D'ailleurs, faudrait bien que tu le voyais un moment donné. Et en fait, Tomb Raider, chose à savoir, malgré que c'est un excellent jeu, a quand même connu un certain échec commercial. Tout l'argent, le montant que ça l'a pris pour, dans le fond, faire le jeu. Mais, on parle-tu de la Definitive Edition? Non, le jeu en général. Okay. Crystal Dynamics avait dit que, dans le fond, c'était un peu un échec commercial, mais que c'était un coup à donner pour faire renaître une franchise aussi légendaire que Tomb Raider. L'échec commercial à cause du coût, tout ça, puis... Le revenu que le jeu a engendré. Mais là, en fait, avec la Definitive Edition, ça a l'air que les ventes vont dépasser les 6 millions d'unités. Ah, ben c'est bon, ça. Donc, dans le fond, Square Enix était en profit en fin 2013, comme on avait parlé, avec les projets comme Tomb Raider, Deus Ex, tout ça, puis tu sais que ça avait... On donnait un coup de pouce. Ben là, Tomb Raider est à veille de tomber, en fait. Attendez un peu, je vais juste lire la phrase pour être sûr. Vas-y, Andrew, t'es OK, donc en fait, il aurait même dépassé les attentes à cause de la Definitive Edition. Et en fait, il est en train de devenir l'épisode le mieux vendu de l'histoire de la série. La franchise Tomb Raider, hein, c'est le fun. Exactement. Donc, une très belle surprise, et Crystal Dynamics nous dit que ce n'est pas la fin pour notre cher Tomb Raider. Alors, ils n'ont pas de date ou quoi que ce soit, mais il faut s'attendre. Un deuxième opus pour la franchise. Un retour pour Lara Croft version, on va l'appeler 2.0. Donc, d'accord, merci beaucoup Andrew pour cette nouvelle, et on s'en va, mesdames et messieurs, en musique. Et là, on s'en va écouter un classique des classiques. Et puisqu'on s'en va vers la deuxième heure de Puissance Maximale et qu'il ne vous en reste que 60 minutes, justement, vous pouvez déjà commencer à faire le Final Countdown. Donc voilà, on vous envoie Final Countdown de Europe dans vos oreilles, mesdames et messieurs. Un classique des classiques à Puissance Maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9 à Lévis. I'm Alexey Pajitnov. I am creator of Tetris, and you are listening to Essence Maximal. Et oui, de retour à puissance maximale après Europe et Final Countdown. Et on vient d'entendre ça, j'aime toujours entendre cet indicatif-là. Monsieur Alexey Pajitnov, créateur de Tetris, que notre grand ami François Gécouillard, grand Manitou de puissance maximale, enfin, un des membres fondateurs. Tu nous manques tellement. Oui, François, on a hâte de te revoir. Ça me laisse un vide dans mon cœur. Ah, j'aimerais ça qu'il vienne au studio. Il m'en avait parlé. Ça serait le fun qu'il vienne, mais pas seulement lui. Ça serait le fun que Vincent vienne aussi. Ben oui, certainement. Là, les gars, on vous lance une invitation encore une fois à venir nous revoir ici. Et revenir faire l'émission, c'est ça. François avait eu M. Pajitnov en entrevue il y a quelques années de ça. Et grâce à ça, on a eu un indicatif que M. Pajitnov a fait pour l'émission. C'est un grand privilège, je vais dire ça, le créateur de Tetris qui dit qu'il écoute puissance maximale. C'est magnifique. J'aime toujours ça l'entendre, celle-là. Et après nous avoir flatté dans le sens du poil, M. Castagnan, on va aller vers une autre nouvelle musique. Oui, propriétaire de console de Sony. Il va y avoir... Ça, c'est toi, moi et bien du monde. Oui, exactement. Faites attention, il va y avoir un changement dans le design des boîtes de PS3. Des boîtes? Oui, les boîtes, les pochettes dans lesquelles vos jeux se trouvent. Ah ouais? Présentement, les jeux de PS3 sont... Il existe deux variantes. La boîte rouge pour les jeux Greatest Hits. Mm-hmm. Et les jeux réguliers que la bande où il est écrit PlayStation 3 est noire. Donc ça, c'est actuellement le design de la boîte. Sony a décidé que dans le souci d'homogénéité de ses produits, la bande allait être bleue, comme la PS4, et exactement la même police. Donc, ça va pas être un peu fou, hein? C'est justement pour ça que je vous fais une mise en garde. Donc, si vous allez acheter un jeu et que vous n'avez qu'une PS4, exemple... Mais faites attention si vous achetez un jeu qui est écrit PS3. Donc, faites attention. Et pareil pour l'inverse, parce que les jeux de PS4, ça marche pas dans une PlayStation 3. Non, j'avoue, hein. Donc, soyez attentifs, mesdames et messieurs, quand vous irez acheter vos jeux, pour ne pas faire de mauvais choix, parce qu'on sait que retourner un jeu après ça, c'est compliqué. Mm-hmm. Donc, soyez attentifs pour les futurs produits de Sony au niveau des deux PlayStation, donc le 3 et le 4. Merci beaucoup, Andrew, pour cette mise en garde. Autre nouvelle? Oui, mais en fait, ça, c'est un autre petit jeu là, de studio là, plus petit qu'on aime bien. Il y avait plusieurs émissions de ça. J'avais parlé d'un petit RPG thématique Halloween qu'il y avait eu sur la PlayStation 3 du nom de Costume Quest. Oui. Mais Double Fine Studios ont confirmé que pour l'Halloween de cette année, il allait avoir un Costume Quest 2. Oh yeah! Et on aurait en fait une version annoncée sur PC, qui a été confirmé, et il y aurait des versions console, mais il n'y a pas eu de précision. Sur quelle console? Il y aurait des versions console, mais on ne dit pas lesquelles. Donc, il y a une version PC, par exemple. Y avait-tu une version PC? Je ne m'en rappelle plus. Mais allez voir ça. Mais bref, c'était un petit jeu RPG où on jouait des enfants qui passaient l'Halloween, et il y avait des méchants trolls qui essayaient de voler les bonbons d'Halloween, et avec les super pouvoirs de nos costumes d'Halloween, il fallait sauver le quartier de l'attaque des méchants trolls. Donc, le jeu avait quand même eu un succès très impressionnant au niveau du PlayStation Store, et il a même eu le droit à une expansion de Noël. Je trouve ça quand même très drôle. Et ça a été confirmé, dans le fond, là, qu'il allait avoir un deuxième opus. Opus. Oh yeah! Je l'ai raté, oui! Sans que ça soit volontaire! Calvaus, Andrew. Je vais vraiment te payer un prof de français. Pour votre information, mesdames et messieurs, Costume Quest était disponible, et je pense qu'il est toujours, sûrement, sur... Oui, il est encore. Windows, PlayStation 3, Xbox Live Arcade, OS X, Linux et iOS. Donc voilà, c'est disponible sur plein de plateformes finalement. Donc vous pouvez aller vous chercher ça, c'est vrai que c'est vraiment un jeu cool. C'était super simple, mais il était court, je pense. Il était court, mais la mécanique de jeu était simple, c'était basique, c'était pas un jeu cher. Et c'était divertissant, il faisait la job, je trouvais ça honnête moi, pour le prix qu'il coûtait le jeu, sérieusement. Bon, mais c'était très cool. Allez vous chercher ça si vous n'avez pas encore joué, ou ben pour vous mettre en appétit pour Halloween prochain, afin de jouer à Costume Quest 2. Voilà. Autre nouvelle, M. Castigar. Oui, bien là, on va tomber dans des nouvelles plus matérielles, plus concrètes. L'Archival Disc, le Blu-ray puissance 20. Ah donc, oui! Ici, on parle en fait d'un nouveau support physique développé par Sony en partenariat avec Panasonic. On parle ici en fait... chose à savoir, le fameux disque Blu-ray. Parce que beaucoup de monde utilise le Blu-ray, mais probablement qu'ils savent pas tout l'espace réel qu'on peut avoir sur un Blu-ray. Les plus gros Blu-ray qu'on a actuellement là, sur le marché, c'est des Blu-ray qui ont un espace disque de 50 gigs de données. Chose à savoir, les films 4K, les fameuses hautes résolutions, on parlait des films qui pouvaient atteindre des fois jusqu'aux 300 gigs d'espace. Donc, on s'entend sûr qu'un film 4K, ça rentre pas sur un lecteur Blu-ray, hein? Oui. T'es d'accord avec moi? Effectivement. Donc, l'Archival Disc serait le nouveau support pour ce genre de produit-là et on parle en fait d'un lancement au courant de l'été 2013 pour une version 300 gigs. Et on est en 2014 à nous. 2015, excusez-moi, okay. J'ai mal lu le chiffre. Et on parlerait qu'à terme, Sony et Panasonic seraient capables de sortir des Archival Disc avec un espace de 1 Teraoctet. Calvaus. OK. Mais est-ce que ça va être basé sur la même technologie que le Blu-ray au niveau de la lecture? Ou c'est juste un plus gros support, ou c'est vraiment un nouveau... Parce que ça me tente pas, moi, de me racheter pour la 20e fois... C'est pas spécifié dans la nouvelle. OK. Parce que ça me tente pas de me racheter, moi, pour la 20e fois, mes films... Mais en fait, qu'est-ce que Sony et Panasonic précisent, c'est que le Archival Disc sera destiné à un usage professionnel. Donc, que ça serait fort probablement plus pour, mettons, les réalisateurs de films, pour l'enregistrement de leurs choses. Parce que Sony s'entend vraiment à faire... beaucoup la promotion du cloud service et de la dématérialisation du produit. Arc, jamais. Non, j'écoute. Moi, les films, c'est correct, Netflix, ces affaires-là, mais la qualité est Blu-ray. Calvasse. Mais c'est à cause qu'il faut que tu prennes en considération qu'ailleurs dans le monde, il y a des infrastructures Internet de meilleure qualité et que ça ne rame pas dès qu'on prend un film HD. Que YouTube prend pas exemple 2 millions d'années à ouvrir pour un vidéo. Il n'y a pas de limite à la bande passante. Genre. Parce que c'est pas une bonne idée. Parce que puis même souvent en streaming, là, à la télévision, quand on a les services de câble avec le sur-demande, on a quelque chose qui va se rapprocher beaucoup et carrément là, la Full HD de la 1080p, mais il y a souvent de la compression. Mm. L'avoir le full HD, ça vous prend le Blu-ray entre les mains. Là. Vous allez vous chercher vous allez sur Netflix, là, ça dit HD, mais vous avez rarement le Full HD. Mais vous n'avez pas le Full HD sur Netflix, là. Même qu'ils nous proposent, là, prochainement des contenus en 4K. vous êtes mieux d'avoir une méchante bande passante pour pouvoir l'utiliser, en tout cas, parce que sans farce. Puis aussi, en tout cas, il y en a que ça dérange moins, c'est sûr. Mais moi, quand j'écoute quelque chose qui se dit HD, je veux la qualité. Il y a des trucs, c'est sûr que c'est moins important. Je veux dire, j'adore la série Mad Men. C'est une série qui n'a pas besoin d'être vraiment full HD pour vraiment l'apprécier. Mais je veux dire, quand on me vend de l'HD, je veux de l'HD. Oui, c'est sûr, comme bien du monde. Mais que veux-tu, c'est... C'est sûr que c'est plus écologique. Mon côté de gars qui aime pas trop gaspiller, c'est quand même bien à ce niveau-là. Mais j'espère en tout cas au moins que les films seront moins chers. On veut nous vendre la dématérialisation du produit, vendre des nouveaux films moins chers. Moi, je vais lancer un message à Steam. Prenez donc des licences de films et tout ça, là, puis faites des super promotions là, comme vos jeux. Ah, ça serait malade, ça, par exemple. Ça serait une autre niche que vous pourriez aller chercher. Là, c'est clair. Ouais, ils vendraient des films en Christine même, sans farce. Mm-hmm. Ben, bon flash, Andrew. T'sais, le monde, ils disent qu'il va s'inspirer de Steam comme modèle de marchand en ligne, là, comme Microsoft, supposément, là, qu'il avait en tête pour la Xbox One. Là. Ben, Steam, si vous voulez vous lancer là-dessus, je suis en arrière de vous à 100%. Pourquoi pas, mais en tout cas, ça pourrait être une bonne idée pour contrer le phénomène du piratage des films. L'industrie de Hollywood... D'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, je vais faire un dossier de piratage responsable, je crois bien. Ah, ça serait une bonne idée, ça. Parce que je suis adhérent à cette doctrine, je m'en cache pas. Et je trouve que ça vaudrait la peine, à un moment donné, qu'on fasse une petite capsule là-dessus, ne pas vous dire où aller télécharger, mais vous dire qu'est-ce que le piratage responsable. Parce que c'est un phénomène qui est de plus en plus présent en Europe. Certains diront que ça n'existe pas, le piratage responsable, mais bon, tout le monde a ses points de vue à ce niveau-là. C'est une philosophie. Hein? C'est toujours intéressant d'entendre les deux côtés de la médaille. Oui, effectivement. Autre nouvelle, Monsieur Castegan? Oui, Sony présenterait un casque de réalité virtuelle à la GDC qui se déroulera entre le 17 et le 21 mars. On parlerait d'un casque de réalité virtuelle pour la PlayStation 4. Et ici, on n'a pas vraiment de détails au niveau là, de qu'est-ce qu'elle va faire, mais on parle d'un appareil très fortement inspiré de l'Oculus Rift. En fait, j'avais même vu une nouvelle récemment, je ne sais pas si c'est vrai, c'est juste une nouvelle, ou même que Sony travaillait en collaboration avec l'équipe de l'Oculus Rift pour leur truc pour la PlayStation 4. Je ne sais pas si c'est réellement ça, j'avais vu passer ça sur Internet, donc je ne sais pas si c'est vraiment la gang d'Oculus Rift qui travaille avec Sony. Ou juste Sony qui a fait, bon, on va arrêter de niaiser, on va... Parce que l'Oculus Rift adapte... Non, en fait, Sony se targue de dire que le casque est de loin supérieur à l'Oculus Rift. D'accord. Donc, ce que j'ai lu, c'était vraiment une rumeur qui n'était pas fondée. Parce que on se rappelle que l'Oculus Rift, je pense qu'il parlait juste du PC pour le moment. Là, il parlait pas que ça allait être disponible sur les consoles. Donc, je pense que Sony a peut-être décidé de... leur damer le pion, puis d'y aller pour leur console, puis de faire quelque chose. Mais le pire, c'est que si t'es prêt à payer, tu peux avoir, t'es comme nous autres, monsieur, madame, tout le monde, on voudrait avoir un casque de l'Oculus Rift, on peut aller s'en acheter un, là. Moi, je soupçonne, vous allez me dire que je fais le complot de la paranoïa, là, mais moi, je serais même pas surpris d'apprendre que Sony, un employé de Sony, aurait juste callé le casque, puis on, à go, on le démonte, on l'étudie, puis on en fait Ça se peut très bien, là. Oh, oui, pourquoi pas? On peut l'avoir sous la main, oui, n'importe quel produit. Je veux dire, on se rappellera justement les manettes de la PlayStation Move. Ah, ça ressemble à des Wiimote, mais avec des lumières au bout. Une fois que le produit est sur le marché, là, on l'utilise, hein, puis on fait une copie, et voilà. Pas plus compliqué que ça. Donc, c'est ça. D'accord. Donc, M. Castegan, après ces nouvelles, on va retourner en pause musicale et on va aller entendre cette fois-ci un groupe qu'on aime bien tous les deux, Random Encounter, qui font de la reprise, des chansons reprises de jeux vidéo, mais vraiment originales. J'aime beaucoup leur reprise, ça fait changement. Il y a de l'accordéon. Il y a de l'accordéon, donc c'est un gros plus. Moi, j'étais un gros, gros fan, évidemment, de métal. Andrew aussi, on en passe souvent à l'émission. Puis souvent, les reprises de jeux vidéo qu'on va passer, c'est souvent des trucs de musique métal. Mais eux autres, c'est autre chose. Il y a du rock, il y a du métal, mais c'est vraiment des arrangements originaux. Et là, on vous a envoyé une chanson qui est une reprise de la chanson de la pièce One Wing Angel. Du film Advent Children Final Fantasy, ben, qu'on retrouvait aussi dans le jeu Final Fantasy VII. Mais là, c'est un mélange entre Deep Purple puis One Wing Angel. Ça s'appelle Purple Angel. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. 96.9 FM. si elle nous rattrape. Il faut faire quelque chose, mon sang. Mettez plus de charbon dans la chaudière. Mettez la puissance maximale. Puissancemaximale.com. Et oui, de retour à Puissance Maximale, on parlait de François Gécouillard tantôt. On a entendu sa virile voix. Lors de, ça c'est un des vieux indicatifs de l'émission qu'on aime toujours passer à l'occasion. Et on vous rappelle que vous venez d'entendre la chanson Purple Angel du groupe Random Encounter. Je l'ai dit que c'était une bonne toune, hein? Un bel... Ouais, moi je groovais grave. Tu groovais grave. Ouais. D'accord. Donc, deux mots avec GR. Groove-moi donc ça jusqu'à la prochaine nouvelle, M. Castegan. Oui, ben en fait, j'avais ouvert la nouvelle, mais je l'avais pas lu. Fait que je l'ai lu pendant la pause musicale. Jack Tretton quitte Sony. On rappelle que ce monsieur, c'est l'homme qu'on voit à toutes les E3 qui parle, qui est sur le stage pendant les présentations de Sony lors des E3, justement. Puis c'est lui qui quitte, finalement. Oui, c'est ça. Puis aussi, en même temps, ben c'est pas juste le dude qui est sur une scène non, pendant le E3. C'est le président et le directeur général de Sony Computer Entertainment of America. C'était. Oui, c'était. Et voilà, c'est tout. C'est sacré son cas. Puis il occupait, dans le fond, cette position-là depuis 2006. Il a écrit sur le blog officiel de PlayStation que dans le fond, il quittait Sony, que c'était sa décision et le fruit d'un accord commun avec Sony. Et il a été également annoncé que c'était le vice-président de Sony Network Entertainment International, Sean Layden, qui succédera en fait à la tête de la branche US à partir du 1er avril. Par contre, Jack Tretton, au début, je me disais, coudonc, j'ai dû passer fait montrer à la porte ou quoi que ce soit. Ben, en fait, non, parce que depuis que Jack Tretton est là, en fait, Sony est en pleine forme. Il a quitté avec un Sony qui va bien, qui a quand même réussi un très bon démarrage de la PlayStation 4 en novembre dernier en Amérique. Et on parle même des chiffres de la nouvelle console qui s'élève à plus de 6 millions d'unités vendues depuis le lancement, donc quand même très impressionnant. C'est quand même lui qui réussit à nous faire passer le fameux problème qu'il y avait eu il y a 2-3 ans là, de la PlayStation Network. Ouais, puis qu'il a dit « on s'excuse ». On s'excuse, on a vraiment pas assuré à ce niveau-là, puis il avait offert quelques petits cadeaux. Là, c'est lui qui avait passé ça sur scène. On l'a souvent critiqué pour ses E3, mais il faut dire que Jack Tretton, c'était pas le gars le plus charismatique. Moi, personnellement, c'est celui qui me plaisait le plus. Parce non, mais que... c'est ça, mais tu sais, c'est à cause qu'il y a des fois, il y a eu des E3 où on faisait « ah, tu sais, il était pas si impressionnant que ça », mais tu sais, quand il faisait un bon E3, là, le gars, il était au courant de ses affaires, c'était un bon maître de cérémonie. J'ai l'impression, moi, que c'était un gars qui utilisait pas trop les révolutionnaires, puis on va changer. Non, contrairement à Microsoft. Ouais, ben, en tout cas, sûrement qu'il l'utilisait un peu, parce que tout le monde le fait dans cette industrie-là, mais je sais pas, de mon souvenir, il était plus... il était enthousiaste, mais tu sais, un peu plus de retenue à son niveau. Je l'aimais beaucoup, moi, ce monsieur-là, au E3. C'est un des présentateurs que j'aimais le mieux et qui était justement... on le sentait honnête dans ce qu'il voulait présenter, même si des fois, Sony s'en sort bien après son règne, mais a quand même eu beaucoup de problèmes pendant qu'il était là. Et... mais disons que c'est une compagnie qui travaille fort dans les conventions, dans les salons, pour se faire aimer. Puis une fois qu'on est comme « Ah oui, Sony, on vous aime !» Puis là, ils livrent la marchandise, on est comme « Quoi ?» Voilà, c'est ça, il y a tout le temps un peu de déception. J'avais un rêve, Sony. Et vous l'avez j'avais détruit. J'avais un rêve. Et vous l'avez détruit. Mais bon, triste, ben triste. Il va sûrement se trouver quelque chose de très bien, ce monsieur. Il va aller chez Microsoft. Ah, il pourrait peut-être aller chez Nintendo. Oui, il aurait peut-être besoin d'un petit coup de main. Puis s'aimer, il a de l'air de l'échapper un petit peu. Ben, je veux dire, lui, il suit quand même ce que ses collègues et patrons nippons décident en même temps. Mais non, il pourrait peut-être aller donner des petits conseils à nos amis de Nintendo, pourquoi pas. Autre nouvelle, M. Castegan? Oui, Epic Games ont fait une annonce à propos de l'Unreal Engine 4. Un engine qui a été conçu quand même pour rouler sur PC, console, appareil mobile. T'es quand même un engine impressionnant. Ben, imaginez-vous donc, il marche sur le web. Ah ouais? Il va pouvoir avoir des développeurs qui vont pouvoir développer des jeux qui se jouent à même le navigateur Internet, qui vont rouler sur l'Unreal Engine 4. Et le transfert a été travaillé en élaboration avec Mozilla. Donc Mozilla et Epic Games ont travaillé ensemble pour optimiser le tout sur le navigateur Internet Firefox. Donc ça ouvre quand même de nouvelles opportunités au niveau du jeu vidéo sur le web. Ben ça va nous amener plus loin que les social games pis ces patentes-là. On va pouvoir avoir des choses intéressantes. Je suis très, très, très curieux de voir ça sans faire ça. Il y a même une vidéo sur jeuxvideo.com. Ah ouais. Bon, ben, tu pourrais peut-être poster le lien en question sur le site, monsieur, ben, sur la page Facebook, monsieur Castegan. Parce que j'avoue que c'est très intéressant. Ça ouvre des discussions, vraiment un horizon nouveau pour le jeu en ligne. Ben, l'Unreal Engine 3 avait été porté aussi au niveau là, du navigateur. Mais là, on parle d'une méchante différence. Là. On parle du 4, là, qui est quand même du calibre du next-gen. Là. Donc, c'est quand ça même... Ça va être observé. Écoutez, mais, mesdames et messieurs, j'ai oublié de vous dire ça tantôt. Là, vous avez entendu M. Mathieu Galarno au début de l'émission. Mais il nous a quittés, à bonne nouvelle. Ça fait un petit bout qu'il est parti. En fait, il a écouté la très, très, très bonne chronique de Chantal, mais il a fallu qu'il quitte. Parce qu'il n'avait pas encore mangé, malheureusement. Et ça, on se rappelle de notre excellente émission de la semaine passée où moi, j'ai eu des merveilleux blades. Ouais, parce qu'on avait trop faim. Parce qu'on n'avait pas mangé. Mais c'est un bon plan, finalement, qu'il soit parti manger. Ouais, on a dit à Mathieu, va te sustenter. Et voilà, donc on salue bien bas monsieur Galarno qui est passé nous voir. Et je tiens aussi à saluer un auditeur, monsieur Pierre Courtemanche, qui nous écoutait, qui nous envoyait des messages tantôt. Donc salutations. Et Diego Lamana. Et Diego, bien évidemment, notre chroniqueur. Mais voilà, salutations à Pierre et à toute sa petite famille en même temps. Pourquoi pas? Et voilà, autre nouvelle, M. Castegan. Ben, je vais faire un parallèle à Diego qui vient d'écrire de quoi aussi à propos de la nouvelle qu'on vient de parler. Diego disait, il nous en avait parlé en 2012, c'est la tendance du multiplateforme, un développement, plusieurs plateformes, ça va être sur mobile aussi, etc. Et voilà. Donc, Diego l'avait prédit. Nostradiego. Et parmi nous, mesdames et messieurs, je l'ai toujours dit, mais nos collaborateurs à l'émission Puissance Maximale, ce sont des experts et c'est pas n'importe c'est qui. C'est ça, c'est pas des tout nus, des clochards de fond de ruelle avec une bouteille de whisky. Non, là, on va chercher du monde qui connaissent leurs affaires. Donc, écoutez attentivement les chroniques de nos collaborateurs à Puissance Maximale, voyez. Donc, quand Éric Lajeunesse vous dit qu'un produit est bon en gueule, c'est vrai. C'est vrai. Sauf quand on parle de cidre. Ouais, ça, écoutez Andrew. C'est ça, mais exactement. Écoutez pas. Et quand on parle de bière, écoutez Éric. Non, Éric, effectivement, a de l'excellente papille pour la bière. Ça, c'est sûr et certain. Mais sinon, il y a une chose que nos experts techniques n'auraient jamais pu prédire. Diego essaie de dire. C'est Epic Games qui lui aurait dit tout ça, là. C'est pas... Non, mais tout le monde le sait que Diego, il y a des contacts en haute instance. C'est ça, des connections. Des connections. Voilà. Mais c'est pas grave, Diego. Laisse planer le Nostradiego. Le mythe autour de ta personne. Voilà. Qu'est-ce que tu disais, Ndo? Mais il y a une chose qu'aucun de nos experts aurait pu prédire. Et tu as vu ça sur Internet. Tu as fait... Chaque fou. Ah. Un des pires jeux... de combat de l'histoire du jeu vidéo revient, mesdames et messieurs. Et là, tu peux-tu il rappeler... renaît de ses cendres. Tu peux-tu rappeler aux gens, qu'est-ce qu'était Shaq Fu? Shaq Fu, en fait, c'était un jeu qui était à l'époque sur Genesis et Super Nintendo et d'autres plateformes que je me rappelle plus. Et dans le fond, c'était un jeu mettant en vedette Shaquille O'Neal. Donc, le joueur de basketball. Le joueur de basket. Et c'était un jeu de combat un peu kung-fu avec des bonhommes d'univers parallèles qui pratiquaient également du kung-fu. Et le jeu avait été décrié comme étant un des jeux les plus mauvais parce que le gameplay était... très mauvais. On parle ici de jouabilité. Ça reste un jeu de combat avec Shaquille O'Neal. C'est ça. Et le jeu était d'une difficulté déconcertante. Ben, imaginez-vous donc que malgré le titre de très, très, très mauvais jeu de l'histoire... Ben, les studios Big D's Production est en train de travailler sur le jeu Shaq Fu à Legend Reborn en partenariat avec la star des parquets de Shaq lui-même et qui aurait une campagne MDiegogo présentement pour aider à financer le projet. Et par exemple, les développeurs nous assurent que en dehors du titre et du héros, le nouveau jeu n'a donc rien à voir avec ce qui a été fait auparavant. On va se le souhaiter. On parle ici, préparez-vous mesdames et messieurs, vous allez faire quoi? On parle ici d'un mélange de Streets of Rage, hein? Street Fighter et Devil May Cry. Ah, calvance. Ah, j'ai déjà mal au cœur. Et il y a des images et une vidéo qui est déjà sortie où on montre Shaquille O'Neal un peu comme étant un géant, mesdames et messieurs, musclé au quart de tour. C'est de toute beauté, mesdames et messieurs. Évidemment, on va vous envoyer ça sur la page de Puissance Maximale. Aïe, aïe, un mélange de Street of Rage, Street Fighter, puis Devil May Cry avec Shaquille O'Neal. Ça va être délicieux. je vous jure, mesdames et messieurs, qu'on va tester ce jeu-là pour vous. Et on va être très honnête. Si c'est un bon jeu, on va vous le dire. C'est envoyé et vous allez voir juste l'image d'aperçu. aïe, aïe. On voit un humain à côté du Shaq lui-même. Ouch. je t'en... Hey, calme, oh, ça fait de bon sens. On peut voir... Ok, ouais, pour le Street Fighter, je comprends, là, on parle de l'esthétique, vraiment, ça fait penser carrément à ça. Genre, ah, calva, ça n'a pas de bon sens, hey, je m'excuse, moi, j'en reviens pas du tout. Je peux pas croire qu'ils vont vendre... En tout cas, on verra bien, excusez-moi, là, je suis emporté par le dégoût. Bref, on va surveiller ça. C'est le genre de nouvelle qui laisse un petit goût... pas cool dans la bouche. De revenu de souper. C'est ça. Pas un goût de revenez-y, mais un temps de revenez plus. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Exactement. Et après cette, ma foi, nouvelle des plus ordinaires, on va retourner en musique parce qu'on vous rappelle, mesdames et messieurs. Pour laver le petit goût amer. Ben, c'est en plein ça. Écoute, je crois que, Andrew, tu vas peut-être me corriger, mais c'est lundi ou mardi prochain, la Sainte-Patrick. C'est lundi. C'est lundi, le 17. Et là, vu que, malheureusement, ça tombait pas avec notre chronique bière et jeux. Ben on vous rappelle qu'il y a toujours la possibilité d'aller au Bar Le Globe ce samedi pour célébrer à l'avance la Sainte-Patrick. Et je serai un des trois animateurs de cette merveilleuse soirée. Karaoké, on vous le rappelle. Avec le Farfadet. Donc rendez-vous au Bar Le Globe ce samedi à partir de 21h environ pour célébrer. Ben je vous dirais la Sainte-Patrick c'est un des gros soirs. Si vous voulez arriver avant, l'ambiance festive va être déjà en place. Mais c'est sûr que le karaoké commence dans les alentours de 9-10 heures selon l'achalandage et la personne, la quantité de personnes qui est là. Mais je vous suggère même si... d'arriver tôt parce que vous pouvez y être allé une fois lors de la Saint-Patrick. Il y a du monde. Donc, si vous voulez avoir des bonnes places, présentez-vous rapidement au Bar Le Globe. Et surtout, si vous voulez pas chanter 3 heures après votre arrivée, ouais, arrivez à l'avance. Parce qu'il y a quand même une longue liste d'attente dans ce temps-là. Et là, pour célébrer un peu la Saint-Patrick, c'est pas un groupe, c'est pas un groupe irlandais en tant que tel, mais c'est un petit... La sonorité des chansons qu'ils font, c'est beaucoup... c'est des chansons de marins. Ça met dans le beat. Et là, je parle du groupe Bodagdan, qu'on a déjà fait jouer souvent à l'émission. Et là, on va vous envoyer la chanson le 31 du mois d'août. Vraiment un chant de marin. On vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Le 31 du mois d'août, le 31 du mois d'août, nous aperçûmes sous le vent à nous, nous aperçûmes sous le vent à nous, une frégate d'Angleterre qui fende la mer et les flots pour aller attaquer Bordeaux. Le capitaine du bâtiment, le capitaine du bâtiment, fit appeler son lieutenant, fit appeler son lieutenant. Lieutenant, te sens-tu capable? Dis-moi, te sens-tu assez fort pour prendre l'anglais à son bord? Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France et mère au long roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Son lieutenant fier et hardi, son lieutenant fier et hardi, lui répondit, capitaine oui, lui répondit, capitaine oui, faites branle-bas à l'équipage, je vais hisser notre pavillon qui restera. Buvons un coup, buvons. d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Écoutez puissance maximale. Il y a plein de mal. Et de retour à puissance maximale après Bataclan, né le 31 du mois d'août. Et là, vous avez venu d'entendre l'indicatif fait avec le joueur du grenier et Seb, qui sont un peu déjantés, un peu cons. beaucoup de mal. Ah. On avait beaucoup aimé notre rencontre cette année avec eux à Janimé. Et là, Monsieur Castegan, on a décidé comme ça, pendant que la musique jouait, que t'allais faire tout de suite ton dossier sur le piratage. Je vais faire une parenthèse avant. Ah ben, vas-y donc. En fait, un YouTuber québécois du nom de Giz, oui, avait comme projet, dans le fond, de faire un vidéo pixel art. En fait, il a déjà été reconnu pour un premier tableau de Donkey Kong. Mais pas le premier tableau, en fait, le jeu de Donkey Kong qui avait été fait en pixel art. Ben là, il veut faire le premier tableau complet de Super Mario Bros. À la NES avec des pixel art, avec des petites beads, là. Il avait fait partie un projet Kickstarter pour demandant 300$ pour financer son projet. Mais il est rendu à 1080$, puis il reste 8 jours. Et en 8 jours, il dit, si j'atteins 3000, je fais les 3 premiers tableaux de Mario. Donc, on parle ici du premier, avec le fameux tableau mythique, le deuxième, ouais, avec la grotte, et le fameux château de Bowser, jusqu'à temps qu'il tombe dans la lave. Donc, je vais partager la page Kickstarter de Giz sur notre page. Si ça, l'envie vous tente, vous pouvez le financer en achetant des pixel art qui vont servir possiblement pour la vidéo. Ah, c'est le fun. Non, ben, on vient de nous envoyer ça sur la page de puissance maximale. Allez voir ça, sa page Kickstarter. On l'aime bien, Giz. Donc, si ça vous tente d'aller l'encourager, rendez-vous. Très sympathique. Oui, rendez-vous sur Kickstarter, mesdames et messieurs. Et oui, on va parler de piratage... Responsable, M. Castegan. Oui, en fait, j'ai décidé d'en parler parce qu'il y a Diego Lamana qui a écrit « Piratage responsable, j'aime ça » comme un message privé. Donc, je vais élaborer sur la chose. En fait, le piratage responsable, c'est une philosophie qui a été propagé grâce au Pirate Party, qui est un parti politique qui a vu le jour en Suisse. Donc, on est en pleine campagne électorale. Exactement. Dans le fond, c'est un groupe dans le fond de politique qui veut un peu modifier les lois au niveau du pirate pour dire que le pirate, finalement, c'est pas tant nuisible que ça. C'est que oui, ça a des méfaits au niveau de certaines industries, mais que une grande majeure partie de la population, en fait, sont des pirates responsables. Et qu'est-ce qu'on entend par pirater de façon responsable? En fait, je vais commencer par dire qu'est-ce qui est mauvais comme pirate et qu'est-ce qui est bon. En fait, si on prend un exemple, un pirate avec des mauvaises intentions. C'est une personne qui avait un cas exemple. Il connaît un groupe de musique, Nightwish. il décide qu'il veut écouter la discographie de Nightwish. Il va sur, mettons, Pirate Bay ou peu importe. Il décide, je le dis parce que c'est le plus connu, il a fait les nouvelles de toute façon. Il décide de chercher Nightwish, discographie. Exactement, il download le tout, mais ça c'est une clé USB. Et ça finit là. T'es, il écoute le produit, il apprécie le tout, mais il a pas donné d'argent aux artistes ou à l'industrie. Ça peut aussi s'appliquer avec les films. T'es le monde qui télécharge les films qui sont au cinéma au lieu d'aller le voir au cinéma, ou encore les Blu-ray rip sans lui acheter le Blu-ray, puis qu'ils le feront jamais. Ça, c'est des choses qui sont nuisibles au niveau là, de l'industrie, autant jeux vidéo, musique ou cinématographique. Qu'est-ce que le Pirate Party avait essayé d'inculquer? C'est qu'il disait que la majeure partie des gens qui piratent, dans le fond, finissent à un moment ou un autre à acheter le produit. Que ça soit plein prix, que ça soit en spécial, ils vont finir par l'acheter. Et chose qu'il faut savoir, c'est que généralement, quand un produit tombe en promotion ou en baisse de prix, c'est que la popularité est plus basse ou encore que le produit a été rentabilisé. C'est souvent ça, dans le fond, qui arrive à ce niveau-là. Fait que quand que je dis, dans le fond, c'est du piratage responsable, c'est exemple. Quand je dis que je suis un pratiquant de cette philosophie-là, c'est que, parce que je m'en cache pas, parce qu'au Canada, anyway, on a une zone grise au niveau de ce fameux piratage-là. C'est que les compagnies de jeux vidéo, mettons, qui veulent sortir un jeu, ils vont sortir bien souvent des démos où on peut essayer le jeu. Généralement, malheureusement... C'est de plus en plus rare, ça, par exemple. Oui, c'est de plus en plus rare. Mais qu'est-ce qui est malheureux avec le démo? C'est que bien des fois, ça peut être un des seuls moments plaisants du jeu. Et le jeu va être mauvais, va être plat. Ouais. Un peu comme un trailer de film. Exactement, que c'est juste une mise en valeur. Ou encore comme que, Michael, tu disais... on n'a pas de démo carrément, on a juste des vidéos. Putain, une vidéo... c'est pas le jeu. On peut le voir avec le film 47 Ronin. le trailer peut faire en sorte que le film est excellent. Et t'arrives devant le film et tu fais « What? » J'ai pas dépassé 13$ pour ça, moi. Sans compter le popcorn. Sans compter le popcorn. Bon, au moins, il y avait du popcorn. Au moins, il y avait du popcorn. C'était le fun pour ça. Mais t'es... ben, en fait, c'est ça, mais le fun, parce que pas ça, t'es les doigts tout graisseux. Mais bon, tout ça pour dire que... Ça biaise dans le fond l'opinion réelle du produit fini. Donc généralement le pirate responsable va aller sur un site de piratage, va télécharger la version complète du produit, va jouer au jeu et il va s'asseoir devant le produit, il va faire j'ai-tu aimé le jeu, j'ai-tu un sentiment, est-ce que le jeu m'a livré ce que j'attendais? Et la personne va faire oui, non. S'il fait oui, il va faire comme bon ben quand je vais avoir le budget ou t'es un moment si je le vois, je vais me l'acheter. Donc, il finit par s'acheter le produit, que ce soit sur la plateforme Steam ou en magasin lors d'une liquidation ou encore qui attend tout simplement que le produit soit disponible à l'usager. Mais ça, c'est encore là, c'est semi-responsable pour cela parce que l'argent va pas à l'industrie, il va à la boutique. Mais quand même, ça fait rouler l'économie. Fait que, en plus, il y a plusieurs pirates sur Internet justement qui piratent les jeux, qui l'offrent sur des plateformes de torrent, qui disent « N'oubliez pas, si vous aimez le jeu, allez l'acheter et encouragez les artisans de ce jeu-là. » C'est ça. Puis le principe du piratage responsable aussi, c'est si vous aimez pas le produit, gardez-le pas sur votre machine. Non, c'est ça. C'est pas juste pour un principe de la fameuse rumeur des Roms qui disait « Ah, supprimez-le en 24 heures, vous allez rester illégal. » Non, c'est le principe. Tu n'apprécies pas le produit, ne joue plus au produit. Voilà. Ne le finis pas. Prends pas la peine de consommer le produit dans son intégralité si tu ne l'apprécies pas. Tu voulais te donner un aperçu, tu n'aimes pas ce que tu vois au premier abord, efface le produit. Et tu peux en parler tout ça, mais ne le partage pas, ne le... déploie pas à grande échelle pour encourager le monde à pirater, efface-le, ça finit là. Tu fais pas un drame. Mais aussitôt que tu as apprécié le produit, achète le produit. Voilà. Et le pirate responsable va faire ça à l'ensemble des produits qu'il va pirater, que ce soit le jeu vidéo, la musique, les films, peu importe. Il va toujours appliquer cette doctrine-là, peu importe l'industrie. Puis il faut dire aussi, au niveau, il y a certaines industries, disons, qui ont travaillé. T'sais, qui disent souffrir du piratage, mais comme l'industrie de la musique, l'industrie du cinéma, il y a beaucoup d'experts aussi qui disent que le présentement, eux autres disent que ça va tuer l'industrie, surtout au niveau du disque, mais il y a beaucoup d'experts qui disent que l'industrie du disque s'est auto-sabordée avec ses pratiques qui datent d'un autre âge, on va le dire, là, et qui n'ont pas été capables de s'adapter. Les artistes indépendants Ben vendent oui. généralement leurs produits beaucoup moins cher. Directement sur Internet. Directement sur Internet, et l'argent va directement dans leur poche. Ça, c'est génial. Parce que exemple, Rental Floss. Ouais, c'est ça. Puis, Lindsay Sterling. Puis ils offrent des, en plus, ils offrent des CD à des prix vraiment intéressants. Des fois, tu peux te ramasser en magasin des CD à 20$. Là, directement, l'artiste, 12$, 10$, jusqu'à 15$ des fois, mais au moins, ça va dans les poches de l'artiste. Je me sens très bien à ce moment-là d'acheter un produit. Exactement. Puis souvent, dans le cas de la musique, ça nous permet de connaître des nouveaux groupes. Et d'aller voir des shows. Oui. De vendre des billets de spectacle. Il y a aussi ça. Exactement, putain. Il y a une très grande force au niveau du piratage qui aide à la promotion du produit. C'est sûr qu'il faut pas oublier qu'il faut acheter. Il faut soutenir les artistes, mais c'est une plateforme de diffusion. Exactement. Puis d'ailleurs, il y a même certains artistes qui en profitent pour faire des mini-promotions avec ça. D'ailleurs, si on pense à Brental Floss, lors de son premier album, il avait mis une fausse version de son album volontairement sur les plateformes de BitTorrent, où c'était des versions de ses tunes sabotées par d'autres YouTubers. Et il l'a partagé à un moment donné, puis c'est drôle. T'sais, c'était drôle. T'sais, au final, on était comme, ben là, c'est pas le produit que j'ai downloadé. Mais t'sais, c'était un petit clin d'œil. Puis en même temps, à la fin, il disait, ben, achète mon CD. T'as apprécié qu'est-ce que t'as entendu là, même si c'était pas mon œuvre. Ben, non, achète ça, mon achète CD. Achète le CD, c'est ça. Puis souvent maintenant, c'est ça, les CD sont tellement les chansons en téléchargement, c'est tellement pas cher que 99 cents. C'est ça, de la chanson, ça vaut vraiment la peine de se lancer puis d'acheter à ce moment-là. Puis dans le cas de la musique, ça vaut la peine parce que le support CD a une limite en frais de qualité. C'est généralement du 128 kbps. Ah ben en fait la qualité CD c'est plus haut que ça, mais ça peut monter. Ben plus je pense haut que qu'il ça. Peut avoir du 4,96 aussi, mais 320 puis mais. Ça permet d'avoir des formats FLAC maintenant qui sont encore mieux que ben MP3, c'est ça, tu peux avoir des formats encore plus intenses au niveau là, de si vous êtes vraiment maniaque de la qualité, c'est ça. Si vous êtes équipé côté musique là, chez vous, c'est sûr que le MP3, ça rend pas justice à une chanson. Là. Fait que, mesdames et messieurs, c'était la parenthèse piratage responsable. Donc, mesdames et messieurs, on vous dira pas où aller. Malgré qu'on en a nommé un gros au début. Mais... Ouais, mais ça, il est très connu, là, c'est pas ça le problème. Mais en fait, si vous piratez, s'il vous plaît, encouragez les artistes que vous appréciez et arrêtez de consommer ce qui vous déplaît. Tout simplement. C'est être responsable, si vous êtes pas capable de vous empêcher ou si vous, malheureusement, des fois, c'est juste une question d'argent. Moi, faire 100 000 par année, j'achèterais tout. C'est ça, mais c'est le principe que si vous avez pas l'argent dans l'immédiat de l'acheter, prévoyez-le. Prévoyez acheter le produit que vous aimez pour c'est encourager ça. L'industrie et les artisans surtout. Il y en a des jeux là, des fois que j'achète. Puis j'y vais par ordre de lequel m'a le plus apprécié, mais je finis toujours par toutes les acheter de toute façon ou d'une autre. Là. Que ce soit la plateforme console ou la plateforme PC au niveau de Steam et tout ça. Je vous dirais par contre, au niveau du jeu vidéo, il y a une des deux plateformes que le piratage, malheureusement, c'est vraiment plus néfaste que les autres, et c'est le marché de la console. Oui. Parce que si vous piratez votre console pour jouer les jeux downloadés, ben malheureusement, ça vous bannit de la majeure partie des fonctionnalités en ligne de votre console. Et ça, moi, personnellement, je vous recommande aucunement de pirater vos consoles parce que ça nécessite généralement de la modification physique. Majeure, ça brise ça brise la stabilité de la console, la durée de vie et, comme je vous dis, ça vous limite en frais de fonctionnalité. Le PC s'en sort beaucoup mieux. Mais comme je vous dis, c'est à cause d'une plateforme de distribution qu'on dit et redit du nom de Steam, qui fait en sorte qu'on a souvent des jeux fraîchement sortis qui vont normalement 60$, que pour un moment donné, on l'a pour 20$. C'est pas très long, là. Surveillez les ventes, ça vaut vraiment exactement. La peine. Exactement. Puis ça, c'est des belles opportunités. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de jokes sur Internet qui dit que Steam viole votre portefeuille. Voilà. Merci beaucoup, Andrew, pour cette parenthèse piratage éthique. Maintenant, on s'en va pour une dernière chanson avant la fin de Puissance Maximale et... deux petites nouvelles rapides, oui, je pense, au retour. Deux nouvelles rapides. Et la chanson s'appelle Machinas du groupe Metal Anonymous. D'ailleurs, si vous suivez un peu la scène de spectacle là, qui s'en vient pour cet été, le Rockfest qui va être à Montebello, ben Anonymous sera là avec mon oncle Serge. Et je pense que j'ai vu aussi avec Marco Cagliari, l'ancien membre du groupe qui est maintenant connu plus pour sa musique d'origine italienne qui fait en solo avec un band. Mais là, il serait de retour avec Anonymous pour un été. Donc, on vous envoie ça dans vos oreilles à Puissance Maximale du bon métal québécois sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis! de sentimientos. No tienen nada, así los eliminan uno por uno, sin placer ninguno. Máquinas de hierro y metal, hombre flojo y carnal. Suficiente para combatir el perfecto occidente. Sistema de defensa implacable. Vencerlos es impensable. Máquinas de hierro y de metal. Hombre, frágil y mortal. Maquinador, la rebelión de otro mundo. Dominador, acabarse del futuro y lo dejará un amigo. Du jeu, c'est sérieux. Et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Mackenas de Anonymous. Et vous venez d'entendre justement Guiz, dont on vous a parlé tantôt, et son Kickstarter. Et Laurent. Et Laurent, à qui on a parlé à Puissance Maximale, entre autres. Mais ben oui! Mais à Janimé 2014. Et voilà. Et Monsieur Castegan, après une aussi bonne chanson pour terminer l'émission, on va y aller avec deux nouvelles rapides. Oui, ben en fait, il y aurait un film de Last of Us, le jeu de Naughty Dog qu'il y a eu sur PS3, qui serait en production, et le réalisateur, le producteur serait nul autre que Sam Raimi. Et oui, l'homme derrière les trois premiers Spider-Man, la première trilogie de Spider-Man, et également les opéras de la terreur 1 et 2, si je me rappelle bien. Puis là, j'essaie de me rappeler le nom en anglais, mais... Evil Dead. Evil Dead, voilà, merci beaucoup. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais vu l'Opéra de la Terreur. Puis là, on cherche pourquoi ils ont appelé ça l'Opéra de la Terreur et Evil Dead, en traduisant Evil Dead, mais bon. Mais donc, cependant, voilà. Pas d'inquiétude, le script du film serait entre les mains de Neil Druckmann, qui est le directeur créatif du jeu. Donc, qui serait, dans le fond, une très bonne nouvelle, puisque beaucoup de monde avait peur au niveau de Last of Us de faire comme... Mais les adaptations de jeux vidéo en film, c'est rarement bon. On va espérer que cette fois-ci, ce sera une exception, qu'on va avoir quelque chose de solide entre les mains. C'est ça. Donc, les seules choses qui restent, c'est avoir le nom d'un réalisateur et d'une éventuelle date de sortie. Merci beaucoup, M. Castegan. Et la dernière nouvelle avant la fin? Oui, mais la semaine passée, on avait dit qu'il y avait eu une grosse annonce. On parle ici de Batman Arkham Knight, qui revenait entre les mains de son papa chéri, qui était... les studios Rocksteady. Donc, en fait, il est d'abord intéressant à noter que Rocksteady parle ici que Batman Arkham Knight serait le troisième volet de la trilogie Arkham. Et là, il y a du monde qui font comme, ouais, mais Arkham Origins, le Rocksteady, ils disent non, ça c'est Warner Brothers Montréal qui a fait dessus. Nous autres, on le considère pas dans la trilogie. La trilogie est uniquement Arkham Asylum, Arkham City, puis Arkham Knight. Fait que c'est là, pas c'est, le fun, ça, c'est un désaveu. Tu sais, c'est comme, moi, ça, je travaillerais pour Warner Brothers Montréal, puis je fais comme, ouch! Effectivement, c'est plate. C'est un peu plate d'en savoir ça comme commentaire. Surtout que, tu sais, c'était comme un prequel. Le film était pas. Le jeu, d'après ce qu'on m'a dit, était pas si mauvais. Il y avait beaucoup de bugs. C'est surtout ça. Puis qui était. Le système entre les combats avec les boss était très difficile. Tu sais, que c'était débalancé versus. Les autres jeux. Les autres jeux. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit? Premièrement, je vais vous dire la chose suivante. Si vous n'avez pas joué à Arkham City, spoiler alert! Ça va me prendre une sirène qui dit pas spoiler alert dans mes boutons. Ouais. Mais en fait, j'ai dû faire le tour de l'internet dans Arkham City. Bouchez vos oreilles, le spoiler s'en vient là! Le Joker meurt. Et, ouais. Dans le fond, ils ont comme confirmé les super-vilains. Premièrement, il n'y aura pas de retour surprise du Joker. Fait que c'était une disant non, il est mort. Il est bel et bien mort. Et on fait des vilains, on parlerait ici du pingouin, double face, Harley Quinn, l'épouvantail et bien d'autres, des petits héros plus des méchants plus mineurs qui décident de s'unir pour se débarrasser de la chauve-souris une bonne fois pour toutes. Par contre, chose à savoir, le Arkham Knight, ça ne serait pas Batman. Qu'on fait référence ici, on parlerait en fait d'un nouveau chevalier en ville, un nouveau super-héros qui serait en fait une version plus militaire de Batman portant un A sur sa poitrine. Est-ce qu'on préférait référence à Azrael à ce moment-là? Peut-être? Moi, je suggère qu'on pose la question à Julien la semaine prochaine, lors de sa chronique, lui qui connaît l'univers de Batman. Tu vas lui envoyer ce petit article-là. On va venir la semaine prochaine avec Julien pour vous parler de ce futur, de ce jeu qui s'en vient finalement. Et aussi Kevin Conroy, qui était la personne qui avait doublé la voix de Batman dans les deux premiers Batman Arkham, sera de retour, parce qu'il n'était pas là dans Arkham Origins. Il sera de retour à son rôle pour... doublé Batman, et Troy Baker, qui doublait le Joker dans Arkham Origins, mais aussi double face dans Arkham City, a pas été clairement officialisé, mais... Il reviendrait pour faire double face ou un c'est ça. Là. Donc, il devrait être de retour, et dans le fond, on parle, comme on disait, là, d'une Batmobile qui va pouvoir se conduire dans la ville. Et là, on aurait une date de sortie officielle. Okay. On parlerait ici du 14 octobre 2014 pour la sortie du jeu. C'est dans pas très longtemps. Et ça, c'est une date qui a été divulguée par la plateforme Steam. Pas n'importe quoi. Et voilà. Excellent. Ouais, merci beaucoup, Andrew, pour ces nouvelles. Et c'est déjà la fin de Puissance Maximale, mesdames et messieurs. Je tiens tout d'abord à remercier Madame Chantal Campagnat qui était là au début de l'émission pour nous parler jeux de plateau, jeux de société. Merci beaucoup, Chantal, d'avoir passé à l'émission. Merci à Mathieu Galarneau aussi, notre ami qui est passé comme ça en coup de vent au studio. Merci beaucoup, Mathieu, d'être venu nous voir. Merci beaucoup à Monsieur Castegan qui était à la console, un travail de maître comme à son habitude. Merci beaucoup, Andrew. Ouais. Et mon nom est Mickaël Michaud, votre animateur, toujours content d'être là pour vous parler de jeux. N'oubliez pas que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez visiter notre site pour y voir nos anciens, en fait, écouter toutes nos anciennes émissions, podcasts et entrevues. On vous invite également sur Facebook, venez rejoindre la communauté de Puissance Maximale. Donc, Puissance Maximale, dans la barre de recherche, vous allez nous trouver très facilement. Appuyez sur le bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs. Mais surtout, on vous demande de partager la page de Puissance Maximale également pour que le plus de monde possible connaisse l'émission et ainsi puisse profiter de notre expérience et de notre émission de qualité également. Et je vous laisse, comme à mon habitude, en vous souhaitant une excellente semaine de jeu. Never kissed a lady before. Nope. Mm-hmm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the dark crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend.